Tout s'écrit dans ma tête, ne s'arrête jamais. Je cours toujours, j'essaie de les oublier. Mais jamais rien ne cesse, je me sens inutile. Ce surplus de couleurs auquel je m'imagine. Je prends mon envol pour la première fois. Je cherche le décor qui me ressemblera. Un petit air du sud, de ces goûts de là-bas. Il y a ce dont je suis sûr, ce que je ne veux pas. Ressemble du côté de chez toi. J'aimerais que tu saches que je pense à toi. Tout s'écrit dans ma tête, ne s'arrête jamais. Je cours toujours, j'essaie de les oublier. Mais jamais rien ne cesse, je me sens inutile. Ce surplus de couleurs auquel je m'imagine. La route est longue, le soleil trop chaud. Pourquoi suivre la masse pour aller plus? C'est bien qu'un jour on se retrouvera. Rien n'est jamais plus sûr que son cœur qui bat. Est-ce que ça ressemble du côté de chez toi à mes rêves d'enfance, mes rêves d'autrefois? Tout s'écrit dans ma tête, ne s'arrête jamais. Je cours toujours, j'essaie de les oublier. Mais jamais rien ne cesse, je me sens inutile. Ce surplus de couleurs auquel je m'imagine. Des accords qui nous ressembleront, des milliers de notes que nous partagerons. Ma vie est plus haute pour la première fois. Tu seras le décor qui me ressemblera. Tout s'écrit dans ma tête, ne s'arrête jamais. Je cours toujours, j'essaie de les oublier. Mais jamais rien ne cesse,